Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie française. La famille Cellier est une famille ordinaire. Tous les membres qui la composent sont complètement timbrés. Votre père et moi, nous avons décidé de fêter nos 45 ans de mariage. Je compte sur vous, hein. 45 ans, c'est les noces de quoi? D'amiante. Vermeil, comme la carte. Alice, tu aimes pas mon biryani? Depuis qu'Antoine Vendira, on bouffe plus que ça dans cette maison. Heureusement que tu vends pas des fausses sceptiques, on boufferait de la merde. Toi, de la merde, t'en pas toute la journée. Non, ça suffit maintenant. T'es une grande artiste. Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas Van Gogh non plus, hein. Elle devrait se faire couper une oreille. Peut-être ça lui donnerait du talent. Oui, et puis au moins de cette oreille-là, elle n'entendra plus toutes tes conneries. Parce que tu peux être susceptible. Toi, tu n'as toujours pas trouvé d'homme dans ta vie, hein. On se voit quand? Le plus vite possible. J'ai fait une connerie. J'ai quelqu'un. Les hommes, c'est comme des chiens. Je suis enceinte. Si tu veux un compagnon gentil, affectueux, qui aime les enfants, ben tu prends un labrador. Je t'aime. Surtout pas un pitbull. C'est encore ton père. Qu'est-ce qu'il veut? Des croquettes. Ma femme est enceinte. Au fond, t'es un pauvre type. Tu pensais qu'elle avait gobé un chou-fleur? Je vois un homme brun qui s'approche. On va repartir chacun dans nos familles, ça sera très bien comme ça. Et là, de nouveau, encore la mort. Rapec, il m'a dit que c'était une carte cool, la mort. Ma famille, plus je te connais, plus je l'aime et je t'interdis d'y toucher. Antoine, tu vas bien? Quelque chose à te dire. Une comédie de Cécile Tellerman avec Mathilde Seigné, Olivier Marchal, Charlotte Rampling, un DVD Studio Canal.